travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. C'est fortuitement que je fus amené à accueillir Blake et Mortimer. J'avais cogité un Roland le Hardy, mais je fus aimablement prié de créer une histoire contemporaine. J'ai choisi comme un moindre mal la science-fiction. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Dans le monde merveilleux de la bande dessinée, celle que l'on peut qualifier désormais de classique, les duos s'épanouissent, les pairs abondent, les couples font floresse. On pense chez Christophe à Artémise et Cunégonde, chez Jacques Martin à Alix et Hénac, chez Hergé à Tintin et Milou, bien sûr, ou à Tintin et Haddock, ou aux deux Dupont, et aussi à Joézette et à Kik et Fluc, chez Goscinny et Uderzo à Astérix et Obélix, j'en passe et d'excellents. Au point que Corto Maltese, chez Hugo Pratt, paraît faire exception dans sa solitude rêveuse et déterminée. Eh bien, c'est de Blake et Mortimer, d'Edgar P. Jacobs, que nous allons parler ce matin. Il va s'agir de comprendre ce qui peut expliquer que cette œuvre, qui remonte déjà loin en arrière, le troisième quart du XXe siècle, trouve aujourd'hui encore de tels échos, au point que les albums que d'autres auteurs ont osé perpétuer depuis la disparition du créateur connaissent actuellement des tirages énormes, plusieurs centaines de milliers selon leurs éditeurs. Est-ce donc un art spécifique de rejoindre des mythes éternels entre les pharaons et l'Atlantide, de restituer les fascinations durables de l'archéologie, de nourrir une science-fiction d'anticipation lucide quant aux technologies et aux armements échappant à leurs créateurs, de donner vie à des stéréotypes indéracinables sur les peuples et sur les nations qui s'affrontent, et de porter, à la fin des fins, un optimisme tourmenté mais rassurant sur le triomphe du bien sur le mal, des bons sur les méchants. Tout cela, oui, probablement oui, et davantage. Pascal Horry, professeur émérite à la Sorbonne, va nous guider dans ce labyrinthe. Il préside le jury du prix de la bande dessinée historique dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois. Il tient une rubrique mensuelle sur ce thème dans la revue L'Histoire, et sa compétence dans ce champ est vaste. J'ai donc souhaité vous en faire bénéficier. Minuit sonne dans le ciel d'Angleterre tout alourdi de pluie. Au bord de la Tamise, sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres découpe sa dure silhouette médiévale. À l'abri de ses murs crénelés, une ronde du Royal Fusiliers inspecte les sentinelles qui montent la garde autour de Wakefield Tower. Wakefield Tower, la tour où sont gardés les joyaux de la couronne. Soudain... Sergent ! Sergent ! Quoi, qu'est-ce que c'est ? Sergent, là-bas, devant la poterne de Saint-Thomas Tower. Oui, bien. Une sentinelle évanouie, une autre devant Traitors Gate. Vite ! Écoutez ! Là-haut, sir ! Sur Bloody Tower, cette silhouette gesticulant. Poursuivez cet homme ! Barrez toutes les issues! Deux hommes avec moi, les autres avec Hopkins, là-bas! Pas de course! Vite! L'alerte est donnée! Toute la garnison de la tour en état d'alerte, chacun à son poste. Halt! C'est là-bas, sergent! La tour des joyaux! En avant! Vite! Alors, qu'est-ce que c'est ? Voyez ! La porte ! Ouverte ! Montez vite ! Soyez prêts à tirer ! La porte est ouverte ! On est entré dans la chambre du trésor ! La couronne ! On a volé la cour à la brigade. Voyez, sergent, sur le mur, ce dessin à la craie. La marque jaune. By Jove, Pascal Horry, je suis bien content de vous avoir devant moi. Bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Je vous ai fait entendre une adaptation radiophonique de La Marque Jaune. L'album, je le rappelle, est de 1956, qui a été réalisé par Jean Morel et diffusé cette année-là sur les ondes de la radio-télévision française. J'ai voulu vous faire entendre cet extrait parce qu'il nous plonge d'emblée dans le monde d'Edgar P. Jacobs. Il faut dire Edgar P. Jacobs ou Edgar P. Jacobs? Il faut dire Black ou Mortimer? Fixons ces choses d'entrée. Question essentielle. On va dire Black et Mortimer, c'est ce que j'entends encore aujourd'hui. En revanche, Edgar P. Jacobs me semble l'emporter peu à peu. C'est le résultat de l'obstination anglomaniaque de Jacobs qui avait introduit ce P alors que c'est Pierre, hein, bon. Mais c'est pas Peter, déjà de son vivant. Mais je pense que de son vivant, en tous les cas, dans ma lointaine jeunesse, moi je me disais mentalement Edgar P. Jacobs. Et aujourd'hui, le succès venant, succès posthume, hein, plus d'albums déjà publiés posthume que anthume, c'est Edgar P. Parce que, voilà, ça y est, il est définitivement anglo-saxon. Hein. Et c'est Blake? Ah bah, pour l'instant, Black, le Black de mon époque résiste. Hein, donc moi, je continue à dire Black et Mortimer. Nous résisterons ensemble. Edgar sans D, comme Edgar Faure et pas comme Edgar Pisani. Exactement. Né en 1904 et qui n'a vraiment rencontré sa vocation de dessinateur de bande dessinée qu'à plus de 35 ans, presque à 40 ans. Hein. Évoquons donc ce destin, oui. Un Belge, Jacob, c'est un nom flamand, mais il est plutôt du côté francophone d'ailleurs. Il s'est retiré, il a longtemps vécu dans un village du Brabant wallon, où il est enterré. Donc c'est, comme beaucoup de Belges, un plutôt francophone, d'origine lointainement flamande, qui a hésité dans sa vocation, qui aurait été évidemment dans son esprit artistique. Il l'a dit dans ses mémoires, un opéra de papier, qui sont des mémoires intéressants. Il a hésité entre le dessin et le chant lyrique. C'est un baryton contrarié. Oui, qui a failli avoir une carrière internationale, qui commençait bien à la veille de la Seconde Guerre mondiale à l'Opéra de Lille, ce qui n'est pas négligeable. Mais en fait, d'une part, il dessinait depuis encore plus longtemps qu'il n'avait senti monter vers l'âge de 13 ans cette vocation. Et puis d'autre part, l'histoire, presque avec sa grande hache, en a décidé autrement parce que c'est tout à fait d'actualité. Dans les années 30, l'une des questions, c'était la protection du marché national. Et on a prié à Lille ce baryton belge de revenir dans sa mère patrie parce que effectivement il y avait peut-être trop d'étrangers sur ce terrain-là aussi. Et il est retourné à ses premières amours qui étaient celles d'un dessinateur qui a beaucoup travaillé dans les années 30. Il savait même pas que la bande dessinée existait à la limite, il n'avait jamais entendu parler de Hergé quand ils se sont rencontrés, c'est quand même dire. En avril 1941. Exactement, il avait beaucoup dessiné entre autres pour les grands magasins belge. Et ça se retrouve dans sa science des décors, du mobilier, des accessoires, des costumes. Ça triomphe dans l'énigme de l'Atlantide, par exemple. Et c'est assez important de voir que pendant longtemps, ça a été un illustrateur, pas du tout un homme de bande dessinée. Et dans sa vie, il y a eu un certain nombre de contraintes. La contrainte de renoncer à être un chanteur lyrique et la contrainte de se mettre à la bande dessinée alors que ça ne lui était pas venu à l'esprit. D'ailleurs, dans ses mémoires que vous évoquez, Pascal Horry, il dit qu'il a beaucoup contribué à dessiner mieux les décors de l'œuvre de Hergé lui-même. Exactement, parce qu'en 1944, on est avant le débarquement, donc il s'agit du Hergé qui est en train de coloriser et de transformer même la maquette de ces planches jusque-là en noir et blanc. Donc les fameux albums de Tintin que nous avons en général entre les mains, ce sont les albums qui ont été redessinés, recomposés en partie dans les années 40, dans les années de la guerre. Eh bien, on découvre que le jeune, relativement jeune Jacobs, commence comme coloriste, comme dessinateur de compléments. Il semble qu'on lui doive, parce que peu à peu, il monte en grade, qu'on lui doive des interventions dans le scénario, par exemple, des 7 boules de cristal ou du temple du soleil. Et on voit bien que ça correspond tout à fait à son univers. Ça serait même à lui qu'on devrait le titre « Les 7 boules de cristal ». D'ailleurs, on se rappelle que dans « Les 7 boules de cristal », il y a une boule de feu On va retrouver dans SOS Météor, d'une certaine façon, la foudre en boule. Et ce que personne n'a, je crois, jusqu'à présent signalé, c'est que la foudre en boule, c'était l'objet de la thèse de doctorat d'un certain Félix Hébert au 19e siècle. Et ce Félix Hébert, c'est le modèle du père Ubu. Il était professeur de physique-chimie au lycée de Rennes, quand Alfred Jarry y a été élève. Donc c'est quand même extraordinaire de voir le père Ubu, les sept boules de cristal et SOS Météor réunis par le même effet météorologique. Il va falloir que je vous invite un jour, pas trop éloigné, pour parler de Jarry et Ubu. Ah, volontiers. C'est une sorte de contrat que nous passons, mais restons aujourd'hui sur Black et Mortimer, sur Edgar P. Jacobs, puisque c'est le sujet de notre rencontre. Il a été marqué par la peinture, en particulier par la peinture allemande. Il a été élève aux Beaux-Arts à Bruxelles. Eh bien, écoutez ce qu'il nous dit dans un entretien qui est réalisé par François Rivière et Olivier Martial Thiéfin en mai 1975, qui a été rediffusé dans notre chère émission « Mauvais genre » de François Angelier sur France Culture en 2003. Une fois entré donc dans l'académie, j'ai tout de suite senti les maîtres qui m'influenceraient le mieux. Et parmi ceux-ci, il y avait Dürer, Holbein et Clouet, qui étaient donc des gens de dessin. Donc le dessin était rigoureux. Et alors parfait au point de vue esthétique. Alors, grâce ou chose à la bibliothèque de l'Académie, qui était très fournie, nous allions, en dehors des cours, feuilleter tous de magnifiques albums qui représentaient donc des planches à très grand format de Dürer et d'Holbein. Et je me rappelle, il est certain que ces gens m'ont influencé en dehors des artistes modernes, bien entendu. Oui, Dürer, Holbein, enfin, c'est toute l'influence germanique, finalement. Oui, avec Clouet, Clouet aussi, mais il paraît d'ailleurs que Clouet était flamand et qu'on disait Clout, d'ailleurs. Oui. Donc, c'est cette espèce de... aussi le dessin rigoureux. La rigueur, oui. Et puis colorié, enfin. Il y a toujours eu, et je sens cette influence en moi également, entre les peintres de cette époque, il y avait une influence d'un côté italienne et de l'autre côté flamande. Et moi-même, je m'aperçois que je souffre du même complexe. Je suis tiraillé entre la rigueur du trait et en même temps la liberté d'expression. C'est-à-dire, j'aime la vie, par exemple, mes dessins que je ferai plus tard sur l'illustration de La guerre des mondes. Oui. Voilà une façon de dessiner qui m'intéresse beaucoup plus que celle du dessin rigoureux de la bande dessinée, qui m'est imposée par le mode de reproduction. Mais si je n'avais pas cette obligation-là, je dessinerais comme les dessins de La guerre du monde. Ce sont des lavis ou moins le fusain, le crayon, surtout le crayon. Oui. Je déteste la plume, enfin. J'ai essayé mille fois à reprendre le crayon. Là, je me faisais chaque fois estourbir par les gens de l'imprimerie qui, eux, avaient des difficultés inouïes à reproduire ce mode de dessin. Mais j'ai essayé d'introduire le crayon presque de force dans l'espace. Donc, je peux vous montrer des pages entières qui ont été traitées au crayon. Voilà qui tempère, Pascal Horry, l'assimilation traditionnelle entre la ligne claire et l'école belge de la bande dessinée. Tout à fait, parce que la notion de ligne claire qui émerge quand la bande dessinée commence à devenir légitime, 9e art, etc., convient tout à fait à Hergé, à mon avis aussi à Jacques Martin, pour prendre les deux autres acolytes du journal de Tintin après la Seconde Guerre mondiale. Jacques Martin, c'était Alix. Voilà, Alix. Quelle chance avaient les lecteurs du journal de Tintin d'avoir ces trois auteurs sous les yeux presque toutes les semaines. Mais c'était nous. C'était nous, oui, voilà. Mais je n'osais pas le dire. Mais moi, j'ose. Nous avons eu beaucoup de chance, Jean-Noël. Et donc, oui, franchement, on a affaire à un auteur qui est sans arrêt tiraillé, il le dit lui-même, entre des nécessités diverses et variées. En fait, il est soumis à des règles un peu imposées par Hergé, par l'esprit du temps, par l'imprimerie, à mon avis, c'est secondaire. C'est quand même plutôt Hergé et la suite. C'est un expressionniste, en fait, Jacobs, contrarié. Quand il y a des gauchers contrariés. Mais les ombres, les contrastes et certains albums où il se lâche un petit peu plus montrent bien que c'est tout ce qu'on veut, sauf de la ligne claire. Son premier grand succès, après ce brouillon que constitue le rayon U, son premier grand succès, c'est Le secret de l'Espadon, 1946. Oui, le rayon U était une sorte de copier-coller de Flash Gordon, Guy Leclerc, sous l'occupation, pour un petit hebdomadaire qui s'appelait Bravo. Et parce que, dans un premier temps, en remontant à l'année 42, c'est là qu'il devient auteur de bande dessinée, par hasard, par contrainte, mais après, ensuite, par talent, parce que il y a eu Pearl Harbor. Là aussi, la grande histoire. Et du coup, les bandes dessinées américaines ne peuvent plus parvenir sur le continent européen, en tous les cas, ni en France, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas occupés. Et donc, on lui demande en catastrophe, parce qu'on sait qu'il a un bon crayon, justement, plus qu'une bonne plume, de compléter Flash Gordon. Et puis, au bout de 5 mois, les Allemands eux-mêmes disent, on voit bien que c'est Flash Gordon, que c'est un héros américain, un de ces jours, il va prendre les armes contre nous, ce qui va être le cas, donc vous arrêtez tout. Et comme ça crée un vide dans le sommaire de Bravo, eh bien, on va faire une sorte de Flash Gordon, mais d'ailleurs, on peut retrouver les Allemands dans les méchants du rayon U. Et puis, arrive la libération, et à partir de 46, effectivement, et du journal de Tintin, aux côtés de Hergé et de Jacques Martin, le voilà qui s'émancipe encore un petit peu plus, et qui propose le premier grand album de Black et Mortimer, consacré à l'Espadon, effectivement, donc avec déjà cette présence de la science, de la technologie de destruction, avec un méchant qui vient de Flash Gordon, en fait. Chez Flash Gordon d'Alex Raymond, il y avait un empereur Ming, et là c'est un empereur jaune. C'est une guerre nucléaire, le monde part à sa perte, et nos héros vont le sauver in extremis. C'est la troisième guerre mondiale, avec, voilà. En effet... Dessinée en 46, donc déjà, théoriquement la guerre froide, pour nous autres historiens, commencerait vers 47, mais en 46, les esprits sont déjà hantés. On sort quand même de Hiroshima et Nagasaki par le fait que la prochaine guerre sera nucléaire et elle ne sera peut-être pas si lointaine que ça. Le dictateur Bazam Damdu, oui. Effectivement, a un visage horrible. Tibéto-méchant. Et jaune, parce que c'est le temps aussi du jaune. Péril jaune. C'est important de s'y arrêter un instant. Tout à fait. Oui, c'est la grande époque du péril jaune. D'ailleurs, Céline se reconvertit dans le péril jaune à cette époque-là. Comme chez Gallimard, il ne peut plus écrire le mot « juif ». Alors là, il écrit beaucoup le mot jaune. On avait observé ça. Il y avait une première poussée du péril jaune, si je puis dire, à la fin du 19e siècle. Tout à fait, oui. Il y a une résurgence là qui est intéressante. Et la culture populaire s'en était mêlée, Fu Manchu, etc. Dès à présent, on aperçoit une anglomanie chez Jacobs, dans Le secret de l'Espadon. Ne serait-ce que parce que Londres est détruite, mais tient bon. Oui, c'est très churchillien, parce que à la fin, Black dit clairement « nous reconstruirons, et une fois de plus, la civilisation l'emportera ». C'est vraiment Churchill en 40 sous les bombes. Et puis, c'est la défense de l'Occident contre un péril qui vient de l'Est. Alors, suivez mon regard. C'est tout ça réuni, mais dans un scénario qui est extrêmement saisissant, par sa violence. Catastrophique, la tour Eiffel brûlant. Oui, oui, oui. Et là, l'actualité, ce sont tous ces films de dystopie qu'on voit maintenant sur les grands et petits écrans, qui montrent effectivement une terre ravagée, mais d'ailleurs pas le premier, mais en tous les cas, Jacobs s'engouffre dans cette voie-là. Et il fait du roman graphique sans que le mot existât à l'époque, parce qu'il y a 144 planches du secret de l'Espadon. 144 planches, c'est-à-dire que ça fait l'équivalent de 3 albums maintenant, mais il a fait exploser aussi cette idée de l'album de 60 et quelques pages. Avec déjà un progrès technologique qui frôle la science-fiction, l'Espadon surgit de la mer. Oui, oui, il y a tous les jeux métaphoriques qu'on peut imaginer. C'est un avion téléguidé, qui dépasse la vitesse du son. On a déjà l'ensemble de ce qui va faire quand même le charme pour les lecteurs de Black et Mortimer, et aussi ces fameux cartouches, ces didascalies, ces phylactères, tout ce qu'on veut, très long. Et puis cette ambiance anglaise avec déjà 2 personnages bien typés qui sont repris du rayon U, qui les reprenait un petit peu de Flash Gordon d'ailleurs. Sous un autre nom. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'il y a un militaire et un civil. Le civil est un savant, d'origine écossaise en particulier. Le militaire est un responsable du contre-espionnage. Lui est gallois. Voilà, MI5. Ce sont des gallois et écossais. Il y a sans doute une intention. Ce sont certes des Anglais, mais quand même légèrement périphériques et celtiques. Et ça marche très bien. Alors, posez-les, si vous le voulez bien, en pied devant nous, brièvement. Black, puisque nous disons Black pendant cette émission, et Mortimer. Black est plutôt blond, grand et mincé. Mortimer est plus rondouillard et plus brun. La moustache contre la barbe. Voilà. Et leur caractère se complète, mais évidemment, on s'attend à ce que Mortimer soit plein de réflexion. Et en réalité, il se révèle aussi plein d'actions. Enfin, c'est un savant qui ne reste pas dans son laboratoire, mais sa compétence scientifique sauve à plusieurs reprises non seulement Black, non seulement le MI5, mais la planète. L'enjeu est de taille. C'est la moindre des choses. Et puis, évidemment, en face, il faut des méchants. Vous connaissez la théorie, entre autres, d'Hitchcock. Ce qui compte, c'est le méchant, évidemment. On s'ennuierait profondément s'il n'y avait que Astérix, s'il n'y avait que Tintin. Il faut qu'il y ait des gens incomplets, ridicules, et ou méchants. Astapopoulos pour Tintin. Voilà. Ici surgit pour la première fois dans notre conversation Pascal Horry, le colonel Ulrich. Ulrich. Auquel on vient de consacrer, effectivement, et pas n'importe qui, Hubert et Laurent Védrine, un ouvrage entier, qui est un aristocrate avec son fumier. Un ouvrage entier qui est en fait une vie rêvée, imaginaire de... Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont amusés. Ils ont fait comme, par exemple, quand Michel Pierre avait écrit les mémoires de Cortot Maltese, ils ont reconstitué une biographie en jouant aux historiens sérieux qui recueillent des documents qui sont en fait des extraits d'albums et puis en remplissant quand même aussi les trous. Ça se termine par la lettre d'une petite fille d'Ulrich indignée par le sort que l'historiographie lui fait. Exactement, et l'espoir que les biographes ne seront pas trop sévères. Ils ne sont pas trop, ils sont fascinés, comme nous avons pu l'être, par le méchant. Fume-cigare, élégance aristocratique, qui domine aussi les autres méchants qui sont à son service, comme Charquet, Jack, etc., qui sont alors là des sombres brutes. Charquet, c'est un Américain. En plus, c'est américain. Ce qui est intéressant, effectivement, bonne remarque, c'est que l'anglomanie de Jacobs, ça s'arrête quand même à l'Atlantique. Il y a très peu de présence américaine dans tout ça, alors qu'on est à l'époque de la guerre froide et que, bien entendu, la superpuissance désormais en Occident, ce sont les États-Unis. Alors, il est question de l'OTAN, parce que c'est tout à fait clair. Hein. Il a choisi son camp, et Jacobs, et Black et Mortimer, évidemment, ont choisi leur camp. Mais les États-Unis sont paradoxalement très peu présents. Vous disiez que Ulrich était élégant, ça a pu même causer des problèmes pour Jacobs avec la censure. Il faut dire un mot des rapports à l'époque avec la censure, protection de la jeunesse et pas seulement. Un de ses albums est interdit même en France. Oui, la loi de juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui d'ailleurs existe toujours parmi nous, mais qui est utilisée à d'autres fins à l'heure actuelle, était extrêmement tatillonne sur ce qu'on appellerait la violence, même tout simplement le fantastique, et le piège diabolique en particulier a été censuré. Alors, il faut préciser que c'est la censure française. Alors, vous me direz en quoi ça concerne les Belges, mais c'est que d'un point de vue commercial, pour ces publications francophones belges, être interdit en France, c'est une catastrophe. Donc, c'est un excellent argument pour regarder par-dessus l'épaule des différents dessinateurs et scénaristes. Donc, des gens comme Hergé, a fortiori, comme Jacobs ou Martin, écrivent et dessinent sous contrôle en permanence. Tout ce qu'on peut dire sur le fait qu'il y a si peu de femmes, etc. Mais c'est lié à une censure officielle. C'est lié d'ailleurs à la grande question de la présence des femmes dans l'œuvre de Jacobs, ou plutôt leur absence. Il s'en explique dans cet extrait dont vous allez voir que le ton est assez daté. Il y a également un personnage, si je puis dire, qui n'existe jamais, c'est le personnage féminin. Ah ! Je n'irai pas jusqu'à partager l'opinion de Landru qui disait « la femme au foyer ». Mais dans une histoire de science-fiction, je crois que l'élément féminin devient vite encombrant, souvent superflu, et qu'il oblige le narrateur à des mièvreries qui ne peuvent que nuire au déroulement de l'action. Ceci dit, si un jour le sujet s'y prête, et si j'ai à ma disposition un modèle graphogénique, plutôt, rien ne me dit que je ne ferai pas une histoire avec une bonne femme. J'aurais voulu, si l'occasion se présentait, je parle toujours du modèle, si j'avais eu l'occasion de pouvoir me servir d'une japonaise ou d'une eurasienne, il me semble que là, peut-être, j'aurais pu employer donc, un personnage féminin dans mon histoire. Y a-t-il des fantasmes à déterminer ? Je ne m'aventurerai pas dans ce champ. Aujourd'hui, on n'hésite pas. La BDphilie, les citoyens de la bande dessinée ont tout lu Freud. Et le péril jaune s'arrête aux portes de ces fantasmes. Clairement, clairement. Je voudrais maintenant que vous nous rappeliez les grandes étapes de l'œuvre d'Edgar P. Jacobs, les principaux albums qui l'ont jalonné. Nous ne traiterons pas des réapparitions ultérieures. Huit aventures, représentant un nombre un peu plus élevé d'albums, parce que certaines aventures couvrent deux, voire trois albums, avec des titres significatifs, par les mots qui les introduisent, le secret de l'Espadon, le mystère de la Grande Pyramide, bon, la marque jaune que nous avons déjà entendu tout à l'heure, l'énigme, vous voyez, mystère, énigme, secret de l'Atlantide, et bien sûr, effectivement, SOS Météore, qui est le premier album qui se déroule essentiellement en France. En suivront d'autres, peut-être considérés parfois comme moins importants, comme l'affaire du collier, etc. Il ne faut pas oublier le dernier album que Jacobs ne pourra pas terminer. Ça, c'est assez significatif. Les trois formules du professeur Sato. Voilà le Japon pour la première fois. Oui, et bien considéré, parce que le professeur Sato est un personnage positif. Le méchant, c'est le coréen. Voilà. Kim. Oui. Alors là, je ne sais pas s'ils ont traduit l'album en Corée, parce que là, compte tenu des relations délicates entre japonais et coréens, je pense que les coréens percevraient très mal. Ou alors, ils ont peut-être transformé le Kim en, je ne sais quoi, coréen du Nord, mais bon. Non, mais le professeur Sato est un cybernéticien. Donc ça, c'est très Jacobs, mais zen. Zen. Et ce qui est important, c'est de dire que c'est à ce stade qu'arrive Jacobs dans les années 70, et la fatigue vient, une sorte de retour sur soi-même, le fait que quand même ces différentes censures ont dû peser sur lui, et il ne termine pas, il a terminé le scénario, et il faudra attendre la mort de Jacobs, et ce moment important dans les années 90, puisque c'est de là que tout redémarre, où visiblement le patrimoine s'empare de Jacobs, et en 90, donc 18 ans après le début de la publication des trois formules du professeur Sato, après la fin mélancolique de Edgar P. Jacobs, on termine, et c'est Bob Demore qui termine d'ailleurs, en dessinant, mais sur un scénario qui est le scénario de Jacobs. Sur les relations entre la science et l'œuvre, la science-fiction, et le volume, l'album qui s'appelle SOS Météore est particulièrement parlant, puisqu'il s'agit d'un thème fort actuel, qui est le dérèglement climatique. Il y a eu plusieurs adaptations radiophoniques de l'œuvre de Jacob. Je vais vous faire écouter cet extrait de celle de SOS Météore par Nicole Strauss et Jacques Langeais sur les ondes de la RTF, la radio-télévision française, au début des années 60. Et c'est Jacques Morel qui joue le rôle de Mortimer dans Le Taxi. Je n'ai pas identifié l'acteur qui interprète chauffeur de taxi. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, premier épisode. Oui, aujourd'hui apparaît sur les antennes de la RTF de nouveaux héros, mais que vous connaissez déjà puisque votre courrier bien souvent nous en parlait. Il s'agit du professeur Mortimer, du capitaine Blake et du trop célèbre Ulrich, leur ennemi juré. Ce soir commence donc une aventure sensationnelle, à la fois policière, de science-fiction et d'espionnage. Nous sommes à la fin de l'hiver, près de l'opéra, 6 heures du soir, une véritable tempête s'est déchaînée sur Paris. J'ai toujours admiré l'adresse des chauffeurs de taxi parisiens. Parvenir à se faufiler au milieu d'un tel flot de voitures, c'est une performance. Ah, le quartier de l'Opéra et de la Madeleine à 6 heures du soir, c'est le carrousel. Mais vous savez, monsieur, à force de rouler, on s'y fait. On n'y pense même plus. Ça devient automatique. Si ce cochon de temps se calmait un peu, ça serait pas plus mal. Même en parole, on se croirait à la veille de la fin du monde. Vous avez ce temps-là depuis longtemps en France ? Oh, une bonne quinzaine. Mais depuis 3 jours, c'est le bouquet. Grêle, pluie, vent, orage, tornade, tout, quoi. Un vrai déluge. Et des inondations partout. Jamais vu ça, moi. Et il en est ainsi sur une bonne partie de l'Europe. Je peux vous en parler, plus. Oui, oui, oh, yeah, ça va, ça va. Pardon ? Non. C'est pas vous, monsieur. C'est à l'autre, derrière. Ah. Qui, oui, me fait des appels de fer. Il est pressé, sans doute, cet Amerloc. Ah oui, c'est en effet une grosse voiture américaine. Une Ford. Ouais. Eh ben, s'il est pressé, il a qu'à s'acheter un hélicoptère. Non, mais, bonne idée, non ? Oh, mais c'est qu'il paraît nerveux. Ouais, ben, il se calmera. Oui, je vous disais donc, ce temps-là, c'est pas normal. On m'ôtera pas de l'idée que c'est leur sale bombage qui a détraqué les saisons. Et puis là, ces trucs volants qu'ils envoient dans le ciel, ça vous chahute forcément les courants, les vents, les nuages, les rayons cosmiques, ce que je sais, moi. Résultat, ben, y a plus de saison. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je rappelle que SOS Météor est ancien de 60 ans, Pascal Horry, et pourtant, les questions qu'évoque cette bande dessinée sonnent très actuelles. Tout à fait. Ce qui est daté, c'est l'atmosphère de guerre froide, explicite, puisqu'il est question de l'OTAN, du côté des bons, puisqu'il est question de monsieur Anastase Mikoyan, qui est un personnage historique de l'univers soviétique. Mais, nommément. Nommément, oui. Mais clairement, le méchant, dans la fameuse généalogie des savants fous, professeur Miloš Georgevic, nom typiquement serbo-croate, maîtrise le dérèglement climatique, et on le comprend, puisque c'est le début de l'album et de son adaptation radiophonique, on va passer de petites ou de grandes catastrophes climatiques à une autre, parce que derrière tout ça, il y a effectivement une technologie de ce professeur Miloš qui devient une sorte de démiurge qui soumet le temps à sa volonté. À l'époque, j'en ai le vague souvenir, effectivement, j'avais une 10-12 d'années quand je lisais SOS Météor. Bon, je trouvais ça assez excitant, peut-être moins que la Grande Pyramide, à titre personnel, ou surtout la Marque Jaune, qui reste mon favori. Mais aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, du caractère tout à fait, entre guillemets, prémonitoire. Alors, il n'est pas le seul, hein, évidemment, les auteurs de science-fiction, même parfois du 19e siècle, avaient eu cette tentation. Mais là, il y a à chaque fois, on est quand même dans l'époque des 30 Glorieuses, il y a à chaque fois un minimum, voire un maximum de documentation qui fait que ça paraît relativement crédible pour le lecteur de l'époque et aujourd'hui, en effet, étonnant. Vous évoquez le grand album, effectivement, la Marque Jaune. Moi aussi, j'ai mes souvenirs. J'étais au lycée Montaigne, il y avait beaucoup de petits camarades qui écrivaient sur les murs avec de la craie, le fameux rond avec la Marque Jaune au milieu. C'est un temps où ça a beaucoup compté pour toute une génération. Et le Marque Jaune se passe dans un monde britannique. Autant SOS Météor, en effet, est à Paris. On voit la station de Port-Royal, on voit cette très jolie maison qui est au coin de la rue de Vaugirard et de la rue Guinemer à Paris pour les Parisiens. La Marque Jaune commence dans une ambiance absolument britannique. Et d'ailleurs, c'était clair dans l'extrait qu'au début de notre conversation, j'ai donné à entendre. Oui, et là, ce sont les sciences de la psychologie qui sont mise à contribution, et d'une certaine façon c'est assez remarquable également. Alors là, la formule paraît presque excessive, le télécéphaloscope, dans mes souvenirs, de la Marque Jaune, c'est quand même un appareillage qui permet de dominer psychiquement les individus. On sait que c'est un vieux rêve, là aussi, des savants fous, mais on peut se demander dans quelle mesure on n'a pas aujourd'hui encore plus les moyens qu'à l'époque de ces braves gens qui s'appelaient Septimus ou Miloš. Autour de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, Pays de Galles, Écosse, on l'a dit, il y a une certaine idée de l'Empire britannique. Il reste un peu de Kipling. Enfin, c'est un colonialisme qui se veut humaniste. Certes, Nasir, l'ancien soldat qui est devenu serviteur de Mortimer, incarne assez bien une domination sur l'Inde. Mais c'est une domination qui se veut compréhensive et mesurée. Oui, c'est le discours colonial triomphant dans tous les pays d'Occident, d'ailleurs pas simplement en Angleterre. Dans Le mystère de la Grande Pyramide, qui est publié, c'est important de le préciser, dans le journal de Tintin de 1950 à 52 et qui se déroule entièrement en Égypte, interviennent les autorités égyptiennes, mais bon, un petit peu à la traîne, quoi. Et ces autorités égyptiennes, bon, sont évidemment sur la même ligne que Black ou Mortimer. On est 4 ans avant l'affaire du canal de Suez et le départ des Britanniques de l'Égypte. Oui, et on est même pile au moment où Nasser et Naguib prennent le pouvoir en 52. Et Nasser élimine Naguib en 53. Et bien entendu, ça ne va pas dans le sens de la représentation du monde que Jacobs et l'ensemble des médias occidentaux se donnent de l'Égypte. Donc on passe à côté, mais en même temps c'est très significatif, en effet, d'une sorte de reconstitution désormais assez fantasmatique, parce que la crise israélienne a eu lieu en 48, donc cette représentation est une représentation d'avant-guerre, mais elle fonctionne. Elle permet quand même assez vite ensuite à Jacobs, qui a malgré tout l'intuition que bon, on ne peut pas continuer sur cette voie-là, de passer à une perspective proprement de guerre froide, d'où par exemple SOS Météor. Et là, il est dans son temps, avec effectivement un clivage qu'il assume. Disons que la politique de Jacob, c'est pas excessif d'en parler, c'est une politique plutôt conservatrice, qui fait que la civilisation est plutôt occidentale. Il va évoluer vers la fin, en ce qui concerne le Japon, on l'a déjà dit à propos du professeur Sato, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un homme d'ordre, Jacob. Et ces deux héros sont là pour rétablir l'ordre. D'ailleurs, on a souvent considéré que la première forme du roman policier, c'était ça. Agatha Christie, il y a un désordre, et puis à la fin, on rétablit cet ordre-là. D'ailleurs, l'affaire du collier, qui est de 1967, et qui est peut-être plus banale que les autres, qu'une sorte d'histoire policière classique, va dans ce sens. Tout à fait dans ce sens. En revanche, Le piège diabolique est un album troublant, parce que là, il y a un discours politique qui est distillé par le biais de cette circulation entre un passé extrême jusqu'à l'époque des dinosaures et vers un futur qui nous indique bien comment Jacobs voyait l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire un avenir pas très réjouissant, même de son point de vue. Parmi les maîtres qui ont pu inspirer Jacobs, je pense forcément à Jules Verne, aussi à Conan Doyle, à Leblanc. Wells est essentiel, puisque c'est lui qui a écrit le fameux livre. D'abord, La guerre des mondes, qui a été illustré par Jacobs, et puis La machine à explorer le temps. Tout à fait. Et c'est effectivement le principe du piège diabolique. Exactement, et qui se déroule d'ailleurs en France, en particulier dans cette très jolie commune qui est, je crois, le seul village d'Île-de-France classé plus beau village de France. C'est-à-dire La Roche-Guyon. La Roche-Guyon. Avec voilà. Une héroïne. Pour une fois, il y a une oui, femme, Agnès de oui, La Roche. C'est très surprenant. Une femme de tête. Une bonne femme, comme aurait dit Jacques. Voilà. Alors peut-être parce que ça se situe au 15e siècle. Bon, pas au 20e. Mais j'ai le souvenir d'avoir lu cet album avec un grand malaise, parce qu'on voyait, alors que c'est peut-être presque rempli de poncifs, bien sûr, c'est pas la première fois qu'on monte le temps, bien, en effet. Plus mais, l'avenir, 5000. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas en retirer la conclusion que, par exemple, le monde va vers le mieux. C'est pas du tout une vision progressiste. Et je pense que, sur ce plan-là, on a affaire à un conservateur pessimiste, j'allais presque dire athée, parce que chez Hergé, on peut dire beaucoup de choses, mais le catholicisme, le scoutisme catholique, etc., reste présent jusqu'au bout. La manière dont Hergé regarde les Chinois à l'époque de Chang ou les Roms à l'époque des bijoux de la Castafiore, tandis que chez Jacobs, non. Et j'ai quand même été très frappé, je ne vais pas extrapoler, mais que la tombe de Jacobs dans ce village de l'âne du Brabant wallon ne comprend pas de croix. Bon, mais même plus que ça, un sphinx égyptien. Donc moi, je pense que la culture et les références de Jacobs ne sont pas celles de la Belgique catholique profonde, comme on le croit parfois. Et qui renvoie toujours aux recherches égyptiennes. D'ailleurs, le seul professeur dans Le mystère de la Grande Pyramide, égyptologue, n'est pas anglais ni français, c'est un Allemand un peu ridicule qui s'appelle Grosse Grabenstein. Avec un accent coupé au couteau. Inspiré, semble-t-il, par Jean Capard, qui était un égyptologue belge. De même que Charquet serait inspiré, c'est pas le pauvre, c'est pas à son honneur, le méchant, la brute, épaisse sbire de, mais également éternel comme Ulrich de Ulrich, aurait été inspiré d'un champion de boxe belge qui a battu au moins une fois Marcel Cerdan. Mais pour ça, tout ça pour arriver à ressembler à Charquet. Le professeur Capa a aussi inspiré, semble-t-il, il y a tout de même un lien, il faut y revenir entre Hergé et Jacobs, le professeur Bergamote dans Les Sept Boules de Cristal en 1948. D'ailleurs, les deux se croisent, se font des petits clins d'œil, dessinent leur ami, puisqu'on peut dire que même si à un certain moment leur relation s'était un peu refroidie, mais au total, et au final, dans les dernières années de sa vie, Hergé a dit beaucoup de bien de Jacobs et Jacobs beaucoup de bien d'Hergé. Pour les amateurs, dans ma mémoire, c'est la page 38 de l'album Le Sceptre d'Autocar. J'avais annoncé votre érudition. Voilà. Alors, donc, citons les pages, quasiment les vignettes, mais je ne m'aventurerai pas jusque-là. Dans cette page, on voit en particulier toute une cérémonie au palais du roi de Sildavie et plusieurs officiers sildaves sont là portraiturés. L'un, c'est en fait Jacob, c'est un autre, c'est Hergé. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'autres camarades à eux qu'on retrouve également dans ce dessin. Oui, dont le fameux Jacques délectable. Ah oui. Van Melkbeke, qui a fait beaucoup fantasmer les bédéphiles, les historiens de la bande dessinée, parce que c'est l'homme de l'ombre. Alors, l'homme de l'ombre, parce que jusqu'en 1944, cet homme est plutôt un inspirateur, un organisateur, et en particulier sous l'occupation, dans ce que l'historiographie belge appelle le soir volé, donc le grand quotidien de Bruxelles, le soir de langue française, mais contrôlé par les Allemands, eh ben c'est Jacques Van Melkbeke qui contrôle les pages jeunesse, donc qui est le chef de service de Hergé. Et qu'après 44, comme évidemment c'est un incivique, comme on disait à l'époque, ben on peut pas mettre son nom en avant, alors qu'il est inspirateur de tout ou partie de certains des scénarios. Et c'est lui qui a été à l'origine, d'ailleurs, de la première rencontre en 41 entre Jacobs et Hergé. Sur la morale du piège diabolique, écoutons à nouveau ce qu'en dit Edgar P. Jacobs lui-même. Il y a le piège diabolique, qui est un machin un peu plus compliqué. Enfin, il y avait, d'ailleurs, ça partait d'une idée qui était celle-ci. Les gens ont l'habitude de dire toujours, en parlant du passé, ou peut-être même de l'avenir, c'était le bon temps, ça ira mieux, ce sera le bon temps plus tard. Et j'ai voulu montrer, par cette histoire, que le bon temps, au fond, n'existait pratiquement pas, et que tous les temps étaient mauvais, avaient leur désagrément. Et c'était presque donc une espèce de morale, disons, que j'avais traité l'engin, donc le chronoscaf, ne jouant qu'un rôle accessoire. Enfin, ça, ce n'était pas basé. Je ne voulais pas décrire un engin intertemporel, mais simplement faire cette petite morale. Cette morale jacobsienne, puisque comme tous les grands auteurs de bande dessinée, il a droit à l'adjectif dérivé de son nom. Oui, oui, il n'y a pas que Kafka qui a ce plaisir. Là. Qu'est-ce que vous dites pour Hergé ? Ben, c'est un peu lourd. Certains disent hergéique, mais pas très élégant. L'œuvre jacobsienne, en tout cas, est marquée aussi par, on l'a déjà évoqué, mais par une fascination pour la science. Il faut s'y attarder, car ses relations avec l'avenir de la science, c'est-à-dire souvent chez lui avec l'action des savants fous. Cette réflexion est permanente chez lui. Fort heureusement pour lui, pour l'humanité, puisque si nous sommes en train là de discuter, c'est que Black et Mortimer nous ont sauvés quand même plusieurs fois. Je m'en réjouis. Il y a Mortimer, c'est-à-dire que il y a régulièrement un savant fou manipulé ou manipulant parfois Ulrich, hein, puisque à un certain moment il y a un savant fou qui décérèbre Ulrich. Et puis il y a Mortimer. C'est dans la marque jaune. Voilà. Et Septimus. Exactement. Et donc il y a quand même Mortimer. Et ça aussi c'est d'époque parce que moi ce qui me frappe c'est que il y a au total, puisqu'il y a des savants fous mais aussi des bons savants, un optimisme scientifique voire scientiste et technologique qui correspond bien à ce qu'on appellera en France les Trente Glorieuses. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus dystopique, hein, et que toute une partie du discours écologique, on mentionnait tout à l'heure le dérèglement climatique mais d'aujourd'hui, est extrêmement réservé à l'égard de la science avec un grand S. Donc Jacobs appartient à une époque révolue sur ce plan-là. Il y a actuellement une exposition d'ailleurs au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, à son musée, une exposition qui s'appelle « Scientifiction » et qui évoque cette ambivalence de la science jadis, aujourd'hui, avec une certaine marche plus sombre vers le pessimisme. Oui, parce que les trois formules du professeur Satow, c'est le testament d'une certaine façon de Jacobs, montre bien d'abord qu'il a eu l'intuition, également avec d'autres, mais l'essentiel c'est d'en faire une fiction, puisqu'on vient de parler de scientifiction. Une fiction qui tient la route, qui tient mieux la route, je pense, aujourd'hui, quand on la relit, qu'à l'époque, où on trouvait que c'était un peu, c'était pas le meilleur Jacobs, etc. Je me rappelle qu'il y a eu une certaine sévérité à l'égard de ce dernier album, qui n'en finissait pas à tout point de vue d'ailleurs. Aujourd'hui, cette réflexion sur l'intelligence artificielle nous paraît incroyablement actuel à travers, entre autres, j'allais dire, ce personnage, enfin cet objet robotique, ce robot qu'est le samouraï. Et l'histoire est réglée par le samouraï qui passe d'une dépendance des méchants à une dépendance des bons. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle est sans doute une des plus lourdes de conséquences qui existent. Bon, c'était une manière presque simple, certains diraient simpliste, de la traiter, mais avec le regard de ce professeur Satow, qui est un sage oriental, je trouve que le XXIe siècle, une fois de plus, a intérêt à regarder de près l'œuvre de ce vieux Jacobs. Il y a toujours le thème de l'apprenti sorcier, de fait. Oui, mais je maintiens que le système tient. La science a ses bons savants, la technologie peut être maîtrisée, et de toute façon, l'humanité est sauvée, j'ajouterais très souvent l'humanité occidentale, en l'espèce. Cette multiplication de Mortimer, c'est nettement avant la brebis Dolly, qui a été clonée du côté d'Édimbourg en 1996. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça donne des idées graphiques, puisqu'on parle ici de bande dessinée, on ne parle pas de roman. Ces androïdes impressionnent, et d'ailleurs, moi je me rappelle qu'à l'époque, je n'avais pas été très convaincu par ce dernier album, parce que on n'était pas très loin d'une forme de kitsch, mais en même temps, je crois que c'était tout à fait pertinent, et qu'aujourd'hui, on est dans cet univers-là. C'était déjà des hologrammes. Avant, oui, bien avant Mélenchon. On peut dire ça. Bien avant les meetings de Mélenchon. Oui, et en tous les cas, nous serons de plus en plus, jouons les prophètes dirigés par l'intelligence artificielle, ça c'est tout à fait clair. Je ne sais pas ce que Jacobs aurait fait comme album à partir de ses prémices. Et pour illustrer vos réflexions sur SOS Météor, qui remonte donc à 1958, cette interprétation sonore sur les ondes de la RTF, le 28 avril 1962, avec Roger Carrel dans le rôle de Miloche et Jacques Morel, à nouveau, dans le rôle de Mortimer. Comme je vous le disais, la station où nous sommes et qui porte l'indicatif 001 est particulièrement importante car c'est une station pilote chargée de recevoir, de coordonner et de transmettre aux stations relais les ordres et les renseignements émanant de XXX1. La station centrale enfouie, elle, sous les glaces du pôle Nord. Du pôle Nord? Oui, donc notre centrale du pôle Nord... Oh, vous plaisantez, c'est de la pure science-fiction que vous débitez là, on n'a jamais... Un instant, professeur Mortimer. Gardez-vous de porter des jugements téméraires. Approchez-vous plutôt de cette carte de l'hémisphère nord. Voici la station centrale en question. Des lignes rouges qui coupent le Canada passent au sud du Groenland, de la Scandinavie, pour aller ceinturer le nord de l'URSS. Oui, elles indiquent les régions où se forment la plupart des phénomènes météorologiques qui déterminent le temps sur toute la zone tempérée de l'Europe occidentale et des États-Unis. Parfaitement exact. Oui. Ce sont les fronts polaires. Or, grâce à notre position géographique, à nos explorateurs, à notre prodigieuse avance scientifique, nous avons réussi à percer le secret de la circulation générale de l'atmosphère. Comment dites-vous? Partant, nous pouvons pratiquement contrôler la presque totalité des fronts polaires atlantiques et pacifiques. Ah, mais par quel moyen? Nous disposons à l'heure actuelle d'un impressionnant matériel ultramoderne comprenant des calculateurs électroniques, des radars et d'autres appareils d'une conception absolument révolutionnaire. Vous en verrez quelques-uns tout à l'heure. XXX1 repère, analyse, interprète, prévoit, dirige et dévie à son gré. Et à son gré, toutes les perturbations nées dans son rayon d'action. Cela tient du prodige. Ah, je ne vous le fais pas dire, cher confrère. Hey, je comprends. Et ces magnifiques résultats sont possibles grâce aux autres stations relais qui, elles, travaillent dans leur propre rayon d'action. Le plan général de l'opération étant établi au sommet. Voilà, ouais. Exactement. Ce qui, bien entendu, ne les empêche pas de prendre des initiatives et d'intervenir, le cas échéant, sur le plan local en déclenchant des orages, des précipitations et tout autre phénomène, n'est-ce pas? Ouais. Ainsi, vous seriez donc vraiment capable de commander aux éléments, ça. Je puis encore le croire. Je comprends votre scepticisme, mon cher. Il y a un tel abîme entre notre science et les enfantillages de vos semblables. Nos enfantillages? Oh, quand je pense que vous en êtes toujours à ensemencer les nuages à la neige carbonique et à l'iodure d'argent, ou à crever les nuées d'orage à coups de canon. Mais c'est du bricolage, mon cher confrère. On voit notre bricolage, Pascal Horry. Oui, avec ces voix, d'ailleurs, de la grande époque, des adaptations radiophoniques, des gens comme Morel ou Carrel ont chanté notre jeunesse. Un peu de nostalgie. Certes, certes. Alors, il y a un autre aspect de l'œuvre, c'est ce qu'on peut appeler le ressort historique, plus ou moins fantasmé. Je voudrais que nous disions un mot de cet album important, qui est l'Atlantide, qui renvoie à 20 000 ouvrages consacrés à l'Atlantide depuis Platon, Timée, Critias. Voilà, l'énigme de l'Atlantique est sortie dans les pages du journal de Tintin entre 1955 et 56. On peut dire que, après avoir testé la formule de science-fiction pure et simple, là, Jacobs synthétisait son goût profond pour l'histoire, très ancien d'après lui, le côté mystérieux, le côté souterrain. Alors là aussi, on peut téléphoner au docteur Freud s'il n'est pas sur liste rouge, mais il y a quand même de façon récurrente chez Jacobs une obsession du monde souterrain, des catacombes. C'est aussi le voyage au centre de la Terre à partir de l'Islande. Oui, de mais chez lui, c'est surreprésenté, même dans l'affaire du collier, il éprouve le besoin de nous amener très vite sous terre. Hein, bon, donc voilà, le divan n'est pas très loin. Et là, évidemment, l'Atlantide, c'est une terre sous terre. Ça part des Açores. Les héros vont découvrir une Atlantide qui a continué à se développer malgré la catastrophe, la première submersion, et qui va d'ailleurs être à son tour submergée dans tous les sens du mot, d'un point de vue aquatique, mais aussi politique, par des barbares. Donc on retrouve là ces préoccupations qu'on peut dire conservatrices, certains diraient réactionnaires, le monde civilisé, mais pessimiste, hein, le monde civilisé finit par être submergé par les barbares, et là il ne reste plus aux Atlantes que la possibilité de partir vers une autre planète, hein. Donc là aussi, d'une certaine façon, on l'a lu avant, on le lira après. Mais ce qui est intéressant, c'est l'efficacité graphique de tout ça. Et cet album est quand même un festival de costumes et de décors. Et là, on retrouve l'opéra. Donc d'une certaine façon, c'est l'œuvre la plus opératique, dirais-je, de Jacobs. De ce point de vue-là, la boucle est bouclée. Il revient à ses premières amours. Oui, je pense que... Il le dit d'ailleurs lui-même, l'opéra, et on sait bien que cet amour pour l'art lyrique suscite ce genre de commentaires. L'opéra est un art total, hein, vieille formule, entre autres, de la culture germanique. Et là, chemin faisant, alors que ça lui a été imposé, il faut quand même toujours insister là-dessus, Jacob s'épanouit, grâce à la bande dessinée, dans une forme d'art total. Son imaginaire, un peu brimé quand même par certaines contraintes de la censure, se donne quand même libre cours. À la bonne heure. Merci de clore notre émission, notre conversation, Pascal Horry, de pareille façon, en somme optimiste au moins quant à l'image du personnage, qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi il a été tellement imité depuis, et pourquoi, alors qu'il avait des tirages relativement limités, pourquoi aujourd'hui on atteint ces ventes impressionnantes. C'est peut-être la dimension de Jacobs la plus fascinante pour moi, en tous les cas, du point de vue de l'histoire culturelle, c'est que le Jacobs posthume, encore plus de succès que l'Anthume, et ça dit beaucoup de choses à mon avis sur notre époque, quand des grands noms comme Skuyten, quand des grands scénaristes comme Jean Van Ham, donc l'homme qui est le scénariste de L'Argo Winch, de 13, de Torgal, se mettent à travailler avec des gens de la qualité, outre Skuyten, Ted Benoit ou d'André Juillard, là on se dit que ça dit beaucoup de choses sur la bande dessinée désormais légitime et sur notre époque. Merci beaucoup. Les mémoires de Edgar P. Jacobs, dont vous avez dit qu'ils étaient intéressants, s'intitule Un opéra de papier. On retrouve la formule de l'hommage à l'opéra. Un opéra de papier, les mémoires de Black et Mortimer aux éditions Gallimard en 1981. Je signale aussi qu'est paru il y a quelque temps un hors-série de la collection Histoire Le Point, les personnages de Black et Mortimer dans l'histoire, Sophia Publication, 2014. Nous avons évoqué l'ouvrage de liberté, un peu potache, d'Hubert Védrine et Laurent Védrine, son fils. Ulrich, la biographie non autorisée, paru chez Fayard tout récemment, en 2019. Le catalogue de l'exposition Scientifiction Black et Mortimer, actuellement au musée des arts et métiers, est disponible. Et parmi votre œuvre très vaste, Pascal Horry, je choisis d'évoquer en particulier, d'autres titres seront sur notre site, la co-direction que vous avez assurée du livre qui s'appelle, un très beau livre, qui s'appelle L'art de la bande dessinée, chez Masno, Citadel et Masno, paru en 2012. Et je me suis laissé dire, Pascal Horry, que cet ouvrage avait été l'objet d'une tentative de l'esquisse de quelque chose comme une censure, de façon évidemment anachronique par rapport à l'après-guerre, où cette censure était si lourde. Racontez-nous ça. Ah, c'est un grand honneur pour moi et pour tous les collaborateurs de cet ouvrage. Une inspectrice d'académie de la région Limousine, au moment de la sortie de ce volume, a adressé un courrier à tous les responsables de CDI pour leur dire... CDI, c'est-à-dire les centres de documentation des écoles et des collèges. Des établissements scolaires du collège ou lycée, et que il ne fallait surtout pas acheter cet ouvrage, mais sans préciser la raison. Alors nous lui avons collectivement adressé une lettre très polie pour lui demander la raison, nous n'avons jamais eu de réponse. Et qu'est-ce que vous avez subodoré ? Nous avons subodoré que, en particulier dans les chapitres dont s'occupait le grand historien Laurent Martin, qui concernait entre autres les mauvais genres, d'ailleurs, hein, parlons comme à France Culture, figurait un certain nombre de planches qu'on pourrait qualifier d'érotiques. Et on a subodoré effectivement que c'était ça qui effarouchait Madame l'inspectrice d'académie. Vous êtes un grand vendeur parce que vous donnerez encore plus envie de s'y reporter. Ah, merci. Oui. Il est déjà temps de dire que ce sera un très beau cadeau de Noël. Je confirme. Si vous le confirmez, tout le monde s'en assure. Vous pourrez trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site, sur la page de Concordance des temps, et vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, l'émission sera sombre. Je vous en avise, non pas pour vous en détourner, mais pour que vous soyez au courant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, parce que nous parlerons des horreurs de la guerre dans la Rome antique. Je recevrai pour cela Nathalie Barandon. Lundi prochain, dans son émission neuve, Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit s'intéressera à celle de la famille et de ce qui peut, nous dit-il, la définir. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille Gavrilov et Claire Poinsignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Thibaut Nassimben, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique de Saint-Pastou. Et maintenant, je passe le relais, comme chaque samedi, à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.